Le temps file, le temps file. C'est le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, bien entendu. Et juste avant, comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir la richesse de la musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Merci bien à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci. Merci aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg au Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton en Alberta, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci bien de diffuser l'émission. Et bien entendu, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, vous m'envoyez ça à Canrock. cdn@commercial.gmail.com canrockcdn comme canadien donc canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y avec un petit bloc de Colombie-Britannique, Vancouver. On va commencer avec un beau souvenir, très beau souvenir de l'album Effleurez-moi de Madame Isabelle Longnus qui ces temps-ci connaît un certain succès avec Zaza Finger, bien sûr. Donc, on va entendre Petite fleur de l'album Effleurez-moi. Très beau souvenir. On va entendre aussi Prière de Madame Véronique Trudel. Son album est disponible maintenant. En fait, Véronique Trudel sur les médias sociaux, vous allez découvrir. Donc, Prière. Et par la suite, Muse de la charmante Maryse, qui elle aussi, c'est un nouvel extrait qu'elle nous propose. Mais pour l'instant, retournons dans les années 90. Isabelle Longnus de Vancouver et Petite fleur de l'album Effleurez-moi. Je t'attendrai, oh, je t'attendrai. Tu disais que tu cercle polaire fait de moi une chanson, fait de moi un papillon, fait du miel avec mes paroles et de la pierre avec ma franchise, fait de l'air dans mes poumons et de la paix dans mon ventre et de la soie avec mes bras, de l'acier avec mon courage. Wow, wow, wow. C'est la musique. n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas. Elle veut prendre des photos de moi avec sa Polaroid caméra. Je lui montre mes cicatrices, elle les trouve toutes magnifiques. Oh, oh. Après midi, ensemble aussi, me tiens entre les tombes, assise à terre. Elle met sa tête sur mon épaule, je dis t'es belle, elle dit t'es drôle. Très belle chanson de Maryse, ça s'appelle Muse, et petite nouvelle comme ça que j'ai reçue en échange de courriels et de messages Facebook. Maryse m'a dit que durant qu'elle va avoir d'autres produits francophones, elle va m'envoyer ça. Ça va faire un grand plaisir de tourner ça parce que je trouve qu'elle a une très belle voix. Bel univers, un peu dance aussi, un peu électropop, mais fort intéressant. Donc, on vient d'entendre Maryse. On va se rendre maintenant du côté de la Saskatchewan. Premièrement, du Manitoba. Parce que si vous allez sur ma page Facebook de CanRock, CANROCK, eh bien, vous pouvez voir le petit concert, le mini-concert de la belle Suzanne Kennelly, qui est une très belle voix jazz, auteur-compositrice, interprète jazz aussi. Piano-voix, assez fort, assez intéressant. Et donc, je vous invite à aller faire un tour sur ma page Facebook. Vous pouvez voir sa prestation qui nous a été offerte. Donc, on va entendre la pièce Au point où j'en suis. Mais si vous allez sur les médias sociaux, sur les plateformes, vous pouvez sûrement mettre la main sur son petit EP. C'est 5 chansons originales en français, jazz, écrites par Suzanne Kennelly. Donc, ça fait toujours un plaisir de faire tourner cela. Il y a aussi ce qu'on va entendre, justement, de la Saskatchewan maintenant. C'est Marie-Véronique Bourque qui, elle, nous a offert une nouvelle chanson tout récemment. Bossa pour temps difficile. Marie-Véronique qui fait constamment des petits concerts de 15-20 minutes sur sa page Facebook les mardis et vendredis. Donc, toujours un plaisir de regarder ça et de partager ça avec vous. Assez intéressant, elle se promène un peu partout dans différents styles de musique. Elle est flûtiste, flûte traversière, flûtiste jazz, si on peut ainsi dire. Assez intéressant, merci. Mais là, on y va, comme je vous disais, avec la belle Suzanne Kennelly, une chanson qu'elle a écrite. Voici « Au point où j'en suis ». Je ne dors plus, le sommeil est un piège, un puissant sortilège dont je suis prisonnière. Je ne dors plus, car c'est toi que je vois et dont j'entends les pas quand je ferme les yeux. Je ne bois plus, c'est ta voix qui m'enivre et tes mots me délivrent de toute ma raison. Je ne bois plus, car de la coupe aux lèvres brûle une violente fièvre, impossible à guérir. J'ai oublié comment résister, résister, aussi bien succomber. Au point où j'en suis, j'ai perdu mes repères, mon destin. destin est tracé, on s'est bien succombé au point où j'en suis. Je ne mange plus, je préfère consommer des fantasmes inventés pour combler mes errances. Je ne mange plus, affamée de tendresse et de toutes les caresses qui me font frissonner. L'hécatombe de notre amour qui plombe est ma seule ambition. Je ne ris plus, ma valise est bouclée, mon cœur est séquestré, sublime tentation. J'ai oublié comment résister, aussi bien succomber au point où j'en suis. J'ai perdu mes repères, mon destin aussi bien succomber au point où j'en suis. Oh, j'ai oublié comment résister, aussi bien succomber au point où j'en suis. J'ai perdu mes repères, mon destin est tracé, aussi bien succomber au point où j'en suis, au point où j'en suis. Au point où j'en suis. Sans aucune prétention, bien entendu, les mardis et vendredis, c'est 17h, heure de la Saskatchewan. Donc, faites le calcul et allez sur Facebook, faites Marie-Véronique Bourque et vous allez avoir droit à un petit concert de 15-20 minutes. Assez intéressant, merci, ce qu'on vient d'entendre. Bossa pour un temps difficile. C'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. Merci bien d'avoir été là et bien entendu, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux parce que cette émission ici est diffusée sur 16 stations à travers le Canada. Je suis choyé d'avoir des partenaires comme ça. Donc, merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, du genre les 16. C'est beaucoup. Et je me sens choyé. Merci à CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WIFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, CJPN Fredericton, CHQC Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, CGRO 177, 179, Carlsbad, Varse, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe et la région de Barrie en Ontario, et ainsi que Radio Web Production JB au www.prodjb.com. Il y a également Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, Radio Cité 97.9, Edmonton, Alberta, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Toujours un plaisir de savoir que vous me diffusez comme ça un peu partout à travers le Canada. Merci bien de votre support. Bien entendu, si vous avez des commentaires, des suggestions, des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock, eh bien, laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@commercial.gmail.com. Je vais rentrer en contact avec eux, recevoir leurs produits, écouter ça, et sûrement, si c'est bien enregistré, bien fait, on va faire tourner ça sur Canrock, en parlant d'eux, bien sûr, en parlant de ce qui se passe avec ces artistes-là. Donc, j'espère que le choix musical vous a plu. Moi, c'est toujours un plaisir à chaque semaine de faire tourner la musique franco-canadienne comme ça. Il y a une chose que j'aimerais vous dire. Bon, on va juste partir. Laissez-moi tendre le bras. Je vais partir le thème musical parce que c'est presque la fin. Voilà. Et juste vous dire une seule chose. Pour l'instant, c'est sur l'Internet qu'on peut faire ça. Allez encourager vos artistes locaux, c'est important, ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduit, ça c'est garanti. Sur ça, bonne semaine musicale, à la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye bye!